Famille de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Connaissez-vous Fluxus ? L'art doit être simple, amusant, sans prétention, s'intéressant aux choses insignifiantes, ne demandant ni habileté particulière, ni répétitions innombrables, et n'ayant aucune valeur marchande ou institutionnelle. Ainsi parlait Georges Matsounas, l'un des fondateurs de Fluxus, mouvement artistique né au début des années 60, dans le sillage des dadaïstes et de Marcel Duchamp. Mouvement ou plutôt non-mouvement qui unissait toutes les disciplines artistiques, arts plastiques, théâtre, musique, littérature, et dans lequel le happening, l'humour et la dérision tenaient une place importante. À Fluxus, mouvement au fond indéfinissable, relevant plus d'un état d'esprit que d'une conception bien établie de la création artistique, sont par exemple attachés les noms de John Cage, Dick Higgins, Lamont Young, Namjoon Paik ou encore Yoko Ono. En 1981, c'était au versant musical du mouvement Fluxus que s'intéressaient René Farabé et Daniel Coe dans l'atelier de création radiophonique. Une émission dans laquelle on retrouvait quelques-unes des figures de Fluxus, telles que Ben, Philippe Corner, George Brecht, Malcolm Goldstein et Alison Knowles. Première diffusion, le 22 février 1981. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Fluxus & Co. Musique. Par René Farabé. Ben Vautier. Propos. Alison Knowles. Notes sur la nature. Bean's Variations. Une fantaisie d'un livre des choses. Philip Corner, Metal Meditation. Malcolm Goldstein, Soundings. Giuseppe Chiari, Musica Madre. Walter Marchetti, J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Per pianoforte a 40 mani. George Brecht, Corner, Higgins, Kozugi, Matsounas, Namjoon Paik, Xiaomi. Michel Camus, Giovanna Minnelli, Daniel Berlioz, Jean Bollery. Monique Burguière, Michel Créis, Jean-Pierre Collard, Marie-Ange Garandeau, Marcel Grenier, Yvette Tuchban, Viviane Vandenbroek. Fluxus and Co. Musique. Carnegie Recital Hall. Notes pour les musiciens de l'orchestre Fluxus. Répétition pour le concert du 27 juin 1964. Apportez avec vous 1. Votre instrument. 2. Tout instrument supplémentaire que vous pourrez trouver. 3. Un ou plusieurs pupitres si vous en avez. 4. Une partition épaisse. 5. De l'encaustique et un chiffon pour instrument. 6. Un chapeau melon si vous en avez. 14 mars 60, A Concert of New Music Performance by Alan Kaprow, Sound Piece, George Brecht, Chord Piece for Voice, Robert Rauschenberg, Telephone Music, Ray Johnson, Richard Maxfield, Symphonie Pastorale, Suite for Toy Piano, John Cage. Mars 61, A. G. Gallery, George Matsounas. George Matsounas. Madison Avenue. 1962. Performance. Griffer la partition. Musique antique. Secouer la partition. Et nova. Passer le pouce à travers la partition. Lecture démonstration. Mettez la partition en désordre. Deux jeux. Asperger la partition. 61. Frapper la partition suspendue. Berkeley, Californie. Froisser la partition. La Monte Young. Transpercer la partition. Riley de Maria. Couper la partition. Déchirer la partition. Improvisation, vite, composition. Lentement, etc. Yoko Ono works program a grapefruit in the world of park. A piece for strawberries. Hommage à Dickie Gins, 1962. Ah oui, c'est tout David Tudor. Au cours d'une année de performance, ne créer, ne composer rien d'autre que des valses et des marches pour l'orchestre de la police. Neodada in der Musik. George Brecht, Wort Event. Nam June Peck. One for violin solo. Jouer la sonate à Kreutzer de Beethoven. Sonate. Très sincèrement. Fantasia, Nam June Peck. Avec un violon sans corde et un piano sans marteau. When music. La musique Fluxus, c'est une chose très importante, parce que la musique Fluxus, c'était le... Imagine-toi, il y a eu Debussy, il y a eu Satie, il y a eu Stockhausen, il y a eu Schoeffer et Pierre-Henri, qui ont, avec des moyens qui étaient des moyens modernes... Tu te situes toujours dans une perspective historique. Toujours dans une perspective historique, voilà. Par exemple, quand je donne un concert Fluxus, j'aimerais, malheureusement, ça ne passe pas toujours comme ça, j'aimerais commencer par Debussy, passer à Stockhausen, et ensuite montrer que Fluxus, dans cette ligne-là, apporte autre chose. Hein. Qu'elle n'est pas un point comme ça perdu. Hein. C'est dans une ligne, c'est un nouveau de plus dans une ligne historique. Ça, c'est très important. Alors, d'après moi, par exemple, ce que Fluxus a apporté, qui n'existait pas dans la musique avant, c'est le tout petit détail, le divertissement. Ce qu'il faut, c'est que la musique contemporaine qui peut être totale, qui peut être n'importe quoi, devient divertissante. D'où la pièce de Robert Watts où il vient avec un tuba, il se baisse et le tuba est rempli de billes et les billes tombent. Et ça fait un bruit. Et je trouve que Fluxus apporte le divertissement dans la musique contemporaine. C'est un peu cette pièce de Grock où il y a le piano et il y a le tabouret. Et au lieu de pousser le tabouret vers le piano, il pousse le piano vers le tabouret. Ça, c'est une des choses. Et il a une autre chose, il apporte le détail infime, la subtilité. Par exemple, George Brecht vient au piano, s'assied au piano, les lumières s'éteignent complètement. Dans le noir, le public est assis, regarde, le noir complet, George Brecht s'en va, quand la lumière arrive, il n'y a que le piano tout seul sur la scène. C'est un choc. Quel le choc? C'est le pianiste était là, il y a eu du noir, le pianiste n'est plus là, il n'y a que le piano tout seul. C'est la musique devenue non-musique, mais en même temps devenue subtilité. Alors, il y a dans Fluxus le subtil et le divertissement. Le divertissement est une notion révolutionnaire chez Fluxus, parce que ça part du désir de Matsounas, qui est un désir de revenir au peuple, d'attaquer l'élitisme, parce qu'il trouve qu'il y a une oppression de la connaissance. Si on ne peut goûter d'une pièce que parce qu'on connaît une autre pièce, que parce qu'il y a toute une culture derrière, il y a une oppression de la culture. Et Matsounas a essayé de dépasser cette notion d'oppression de la culture en faisant des gags, en faisant du vaudeville, la musique de vaudeville, pour qu'on retrouve la notion de divertissement. Il y en a une pièce de moi qui a beaucoup de succès, mais qui est une pièce un peu style de Nam June Paik, qui est un des musiciens que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est j'arrive au piano, je m'installe au piano, je regarde l'orchestre, je regarde le public à peine, avec un petit air, même pas théâtral, je me lève et je fous le camp en courant. J'essaie de partir à Nice, le plus vite possible. Alors, l'orchestre a comme instruction de me rattraper, de me ramener au piano. Ce qui fait que l'orchestre doit se débrouiller pour m'attraper avant que j'arrive dans la rue, que j'appelle un taxi. Alors, il m'attrape, il court plus vite que moi peut-être, il me rattrape et il me traîne au piano. Et ce n'est que lorsqu'ils m'ont traîné au piano, de toute leur force, moi j'essaie de ne pas aller au piano, que ma composition musicale est terminée. La partition s'appelle « Le pianiste essaye de fuir et l'orchestre doit le rattraper ». Ça, c'est une pièce divertissante, admettons. Bien, de vos titres versera le 26 juillet le port de Nice à la nage en tant qu'œuvre d'art. Rendez-vous au phare à 10h. Festival of Very New Music, concert number 5, Nobutaka Mitsumo, Chieko Shumi, ensemble. Nikko Shiomi, 51. Événement pour le dernier après-midi, Takemitsu, 1963. Suspendez un violon avec une longue corde au toit d'un bâtiment jusqu'à ce qu'il Christum, atteigne presque le sol. Osman, Joseph Baer, Jackson McClow, Robert Watts, Emmett Williams, George Brecht, Drip Music. George Brecht, direction, solo pour violon, 1962. Higgins, Ben Patterson, viol, violoncelle ou contrebasse. Peck, faites reluire. Monta Young, concert number 2, Jackson McClow, Dick Higgins, Emmett Williams, George Matsunas. George Matsunas. Solo pour violon, solo for mouse, 1962. Un microphone. Jouer un ben air Patterson. Sentimental. Frotter les cordes avec l'ongle. Desserrer les cordes et tirer. Kanjiro Aki. Casser les cordes en les surtendant. Tenez un archer entre les cordes et la boîte de résonance. Faites osciller l'archer. Frappez avec l'archer sur la boîte. Raclez l'intérieur de la boîte avec l'archer. Soufflez à travers les cavités sonores. Mettez des cailloux dans la boîte et secouez le violon. Raclez le violon avec un instrument tranchant. Sciez le violon ou une partie du violon. Transpercez le violon. Introduisez un clou dans le violon. Tapez sur le violon avec un marteau. Creusez le violon. Piétinez le violon et écrasez-le. Mettez en pièce le violon, laissez tomber le violon sur le plancher, jetez au public le violon ou ce qu'il en reste. Qu'est-ce qu'il y a au programme, par exemple, d'un concert Fluxus que tu donnes ? D'habitude, je donne 30 pièces. Chaque pièce dure à peu près entre 2 et 3 minutes. Et il y a au programme Matsunas, George Brecht, Nam June Paik, toujours une pièce de Cage en honneur à Cage qui s'appelle Silence, dans laquelle j'essaie de demander le silence. Et on écoute le silence. Une pièce de Dick Higgins. Deux pièces de Robert Watts, deux ou trois, qui déroulaient un petit papier, le couper. Une pièce de Benjamin Patterson, qui est de dérouler beaucoup de papier sur le public, le bruit du papier. Il y a des pièces à participation où le public participe. Et une pièce de Patterson où il demande à chacun de monter sur scène et il leur demande à l'oreille, avez-vous confiance en moi ? Si le public dit oui, si la personne dit oui, il le met à gauche, s'il dit non, il le met à droite. Et ensuite, ça peut se compliquer. Mais en fin de compte, il y a une responsabilité du public que tous les gens qui ont dit oui se trouvent à gauche, tous les gens qui ont dit non se trouvent à droite. Et tu vois, c'est pas une... Je sais pas. Moi, la participation du public me gêne un peu parce que trop souvent, c'est du parking. On les parque, on les place. Refluxus, mars 63... Dick Higgins, Time, Dungeon Music, Gaffis, Robert Watts, Even, Thomas Schmidt, Piano Stücke, George Matsunas, Bengt Klingberg, La Montée, Philippe Corner. Philippe Corner, 1965. Shiva retourne à Brahms. Philippe Corner. Quand l'action dépasse un certain niveau d'énergie, alors la forme se désintègre. Played on Bastrop. Projet musical avec artiste à l'intention de Caroli Schneemann. Fluxor. Prenez séparément les instruments d'un orchestre pendant qu'il joue. Transformez-les en sculpture. Fluxus. Fluxus happening. Dungeon music. Fluxus. Dick Higgins. Alison Knowles. Higgins. Knowles. Weston. Les choses qui sautent. Les choses qui se font aplatir. Alison Knowles. Les choses qui sentent. Bean Rolls. Les choses qui se plient. Fluxus Publication. Les choses qui se plient. Dictionary Performance. Les choses qui tombent en arrière. Les choses Beer qui Pamphlet. Tournent. Les choses qui se tiennent assis. Hours of dust les choses qui s'écoulent. Les White choses strips. Qui montent ou descendent. Les choses Cage qui chaotent. Les choses qui sont agréables. Les choses qui changent facilement. Les choses qui se balancent, les choses qui sont aiguës, les choses semblables très près les unes des autres, les choses qui prennent beaucoup de temps, les choses qui se séparent difficilement, les choses qui sont presque toutes bleues, les choses à être vues d'un côté, les choses à être déroulées et piétinées, les choses qui sont suspendues par un fil, les choses nocturnes, les choses facilement volatiles, les choses prises du rayon supérieur, les choses à être vues en transparence, les choses nouvelles attachées ensemble, les choses vues d'une certaine distance, les choses qui sont suspendues, les choses qui touchent le mur, les choses qui respirent mieux à la campagne, les choses qui respirent mieux à la campagne. Allison. J'ai trouvé Knowles. Des livres de la nature très vieilles, du 18e siècle, je ne sais pas. Et j'ai jeté le dit pour découvrir la page exacte pour trouver ce que j'ai pris du livre. Et cette sorte de choses, j'ai fait en groupe et j'improvise et je choisis ce que je veux à le moment lire. Le dé choisit la page de livre. Et à ce moment, je choisis ce que je veux lire. Et tu as vu les partitions des six perfections que... J'ai en pièce des six perfections, j'ai seulement quatre. Et ça, c'est des grands rideaux lavables. Et ces perfections, pour moi, sont l'occasion pour improviser avec le texte de la nature. Et c'est pour Malcolm, c'est l'occasion pour jouer le violon et pour Philippe faire les sons Cornet. De métal. Il faut dire, je crois, parce que ça indique quelque chose de notre façon de travailler, que c'est la première fois qu'on l'a réalisé dans cette façon. Et normalement, on a choisi le matériel de ces partitions lavables. Alors, c'est-à-dire, nous étions dans le rôle des exécutants de son œuvre, mais puisque cette partition n'existe plus à Paris, on a décidé de choisir nous-mêmes de nos propres œuvres et jouer sous le texte dans la même façon. Alors que Malcolm a choisi cette œuvre qui a été jouée par des instruments de chambre ou des petits groupements en concert, et ainsi que mes Metal Meditations qui peut être joué en solo ou en musique pure, et de mettre tous ensemble pour réaliser ce mixage. Note sur la nature, Allison Knowles, Travail en chantier, Philippe Corner, cloche, Metal Meditation, Malcolm Goldstein, violon solo, et Temps de grenouille au crépuscule. Des peurs. L'oiseau plongeur. Le merle d'eau. La grive et les plus longues ailes pour voler rapidement sans mouvement le long des lacs clairs et des ruisseaux. Il plonge et marche au fond de l'eau à contre-courant. Leur nid au bord des ruisseaux est en forme de four. Les remparts de terre, des chaînes de montagnes qui déterminent le cours de rivière, sont autant de frontières à la circulation des colonies de poissons. Dipper, a diving bird. The dipper, or ousel, or ant thrush, has longer wings for steady, rapid flight along borders of clear lakes and streams, dives into the water and walks upon the bottom, making its way against a strong current. The nest is oven-shaped on the banks of streams. Birds in which the upper mandible is usually entire, the waverbird, the tanager, the sparrow, the grackle, the true starling. The meadowlark, the piping crow, the jay, the plantain cutter, the raven, the rook, the jackdaw, the bird of paradise, and the true crow. Les remparts de terre, des chaînes de montagne qui déterminent le cours de rivière sont autant de frontières à la circulation des colonies de poissons. Excursion, a trip going far. Jimmy Suzuki, Tony Moretti, Howard Stoltz, and I took an excursion once and looked at our feet for a long time. I was wearing Japanese zori, and zori just make good sense when one is around so much water. Barriers of land, chains of mountains determining the courses of rivers, are each one boundaries between assemblages of fish. The sheldrakes on the James River are seldom found a great distance out. De terre, des chaînes de montagne qui déterminent le cours de rivière sont autant de frontières à la circulation des colonies de poissons. We all love Montgomery. Montgomery was the best horse, kind and smart. We'd draw lots over who had the privilege of walking him. In the dream, I find myself a boy again walking Montgomery. I'm carrying two shopping bags as I walk along in the woods. Suddenly, I hear the sound of a foal being born, the whinnying and the panting. I feel a bulge in my breast pocket. Montgomery is born right there, out of my breast pocket. He struggles out. I hold him in my hand. Les remparts de terre, des chaînes de montagne, qui déterminent le cours des rivières. Sont autant de frontières à la circulation des colonies de poissons. Glacier, glacier. Une masse de glace qui grossit ou diminue selon que la quantité de neige tombe ou non la quantité de neige fondue. Les rochers ont été abandonnés par le glacier et il fait beaucoup de candeur et l'aide des arbres alentour pour parcourir les quelques 20 pieds jusqu'au sommet. Les principaux étaient le rocher de la naissance et le navire. Ainsi, avec chaque jour après l'école, l'un de nous pouvait décider soit d'aller à la mer ou de faire la fête. Le rugissement du lion est celui de l'autruche ou les confonds à distance. Les indigènes perçoivent la différence tout au début du son. Le seul moyen de les reconnaître, c'est que l'autruche rugit le jour et le lion la nuit. The roar of the lion and that of the ostrich cannot be told apart at a distance. Natives assert a variation between the commencement of each. It has been suggested that one can distinguish between them only by knowing that the ostrich roars by day and the lion by night. Les remparts de terre, les chaînes de montagne qui déterminent le cours de rivière sont autant de frontières à la circulation des colonies de poissons. Les choses qui respirent mieux à la campagne. Les choses qui font bouger autre chose. Les choses qui peuvent être soulevées. Les choses principalement utilisées dans des cérémonies magiques. Les choses qui contiennent une autre chose. Les choses droites et dures et solides. Les choses avec un noyau. Les choses qui flottent. Les choses à multiples usages, les choses qui murmurent, les choses qui dépendent des changements de température, les choses qui sont uniques, les choses trop légères pour toucher le fond, les choses imperméables au rire ou aux larmes, les choses confortables dans une chaussure, les choses ordinairement enfermées, les choses rarement citées mais remarquables. Les choses venues directement du marché. Les choses données comme cadeaux. Les choses qui résonnent au toucher. Les choses trouvées au fond du tonneau. les choses pour cérémonie, les choses qui brillent, les choses mouillées qui se tiennent debout, les choses cachées qui roulent, les choses mouillées qui sautent, les choses qui se font aplatir, les choses molles qui sentent, les choses mouillées qui se plient, les choses fragiles qui se foissent, les choses vieilles qui tombent en arrière, les choses cachées qui tournent, les choses jaunes qui se tiennent assises, les petites choses qui s'écoulent, les choses neuves qui montent et descendent, les choses neuves qui montent et descendent. Philippe Corner. Je peux dire que la page que j'ai choisie dit est faite de continuité, que j'ai réalisée avec la cloche, m'efforçant toujours de garder une continuité, mais qui est une continuité brisée, rompue, pas absolue, simplement un effet de continuité. Parce qu'on propose d'utiliser cette page pour étaler mes cloches, qui sont tous contenues dans la grande cloche, et faire ce travail comme la réalisation de la partition au-delà de laquelle on va parler, causer. Et, Donc les partitions sont des dessins graphiques avec des instructions là, qui sont traduites en français. Alors, voici la première. Ramasse-la ou ramasse-le, fais-en quelque chose, laisse tomber. Je cherche, en réalisant chaque page, ces partitions qui sont parfois d'une équivoque presque totale, de chercher quelque chose qui va vraiment faire sortir l'essence. Pas une réalisation quelconque, mais quelque chose qui est cherché, qui est spécial. Évidemment, on peut ramasser n'importe quoi et faire n'importe quoi et laisser tomber n'importe quoi. Mais il m'a semblé intéressant de faire sortir les cloches que je porte partout en Europe. C'est une pesanteur terrible, mais avec pas beaucoup d'espace. Et toutes les cloches, il y a à peu près une quarantaine. Oui, elles sont les unes dans les autres, finalement. Ah oui, de grandes différences qui peuvent entrer dans la grande cloche coréenne. Et j'efforce toujours, et je crois que ça fait partie de notre esthétique, de faire les préparations, de faire le travail de la vie qui entoure l'art, partie de l'art, et pas présenter uniquement la pureté, le résultat. Ça donne une occasion parfaite de réaliser cette partition, cette instruction, en faisant un travail utilisable, un travail nécessaire, le présenter, comme tu dis, en état brut, mais aussi, peut-être on peut dire, avec un raffinement ou au moins une intention consciente qui n'est pas normale. Peut-être c'est à souhaiter que ça serait normal dans la vie. De toute façon, je veux que ça s'entremêle et je prends cette occasion de le faire sortir. Oui, c'est ça, le travail de sortir les cloches les unes des autres, il faut de toute façon le faire. C'est quelque chose de fonctionnel. Et alors tu fais une sorte de pari sur l'accident. Ouais. Voir ce que ça va donner, et pas parce qu'il y aura toujours des vibrations qui appartiennent à la vie du son. Oui, c'est ça. L'essentiel de Metal Meditations est justement de laisser se présenter l'essentiel. C'est une matière où la beauté, où la signification inhérente est tellement évidente. Il n'y a pas de dispute. Peut-être qu'on peut un peu disputer sur un haricot ou le son de papier. Mais sur le son des cloches, le son de métal résonnant, il n'y a pas de dispute possible. Alors, c'est une question de ne pas travailler avec cette matière, d'en faire une composition soi-disant intéressante, mais de laisser vibrer dans l'état pur ce qui est contenu là-dedans. Alors, toutes les pages de Metal Meditations partent à partir de cette pensée. Oui, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par Meditations. Il y a la méditation de Thaïs. Mm-hmm. Une espèce de musique de fauteuil qu'on a dans l'Occident ou dans l'Orient uniquement visé vers l'annihilation du monde extérieur. Et par meditations, je ne veux pas dire de nouvel hindouisme ou quoi que ce soit. Je veux dire une attention parfaite, une attention qui est dépourvue des intentions d'en profiter, de manipuler, de faire quoi que ce soit, à part de simplement donner l'attention, de donner la conscience à la matière. Et je cherchais simplement toutes les résonances et toutes les possibilités entre les pôles de tranquillité jusqu'à la violence qui peuvent partir de ça. Parce qu'il y a une possibilité d'une violence méditative aussi. Pour moi, c'est pas clair la différence entre au hasard et l'accident. Pour moi, ce n'est pas un accident. Les sons sont faits par hasard. Quand la cloche tombe comme ça, c'est pas, le son, ce n'est pas accidental du tout. C'est, on fait par hasard, c'est de la chance. Mais un accident, c'est si la table se tombe ou comme ça. Mais tu sais, dans un certain sens, ce n'est pas du hasard non plus. Dans le sens que veut dire, par exemple, Cage, par le hasard systématisé. Oui, oui. Dans ce sens, c'est une improvisation, c'est la volonté, c'est pas du tout le hasard systématisé, non, mais mes choix. Mais accident, là, ça s'oppose à ce qui est constant ou permanent. Si tu recommences 10 fois cette partition, ça va évidemment donner des choses tout à fait différentes. Oui, mais je peux même dire que c'est chaque fois hétérogène. Mais dans un certain sens, j'accepte ce que tu dis, parce que surtout dans cette page, ça n'existe pas dans certaines autres pages qui se rapportent plus à la musique normale où on fait un geste et on attend plus ou moins que le résultat soit parfait. Mais surtout dans cette page, je pourrais même préciser une partition avec toute cloche, avec l'angle de tombée et le rythme et les durées et les intensités, et de faire tout ça comme une partition de Stockhausen ou n'importe quoi de très précise. Mais en laissant tomber les cloches, il y aura quand même un résultat au-delà qui sera de l'accident et justement dans la nature des cloches. Et c'est une raison pour laquelle je les aime tellement. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas prévenir. Et c'est ça, c'est laisser une certaine liberté à l'objet, indépendamment de l'intention du sujet. Mais mon action peut être très contrôlée, autant quand je joue le piano. Mais ça laisse plus de liberté à l'objet quand je joue avec des cloches. Mais Alison, ce n'est pas dans un certain sens ce que tu fais quand tu travailles avec le papier? Oui. Le même avec le jeu d'haricots. Peut-être on peut même dire que Malcolm, quand il joue le violon, s'efforce d'à partir d'un instrument qui n'est pas fait pour ça, de le faire entrer dans ce jeu. Yeah, one of the instructions for in Frog Pond is to make a collet, a very sharp articulation, and let the bow bounce around just indeterminately, uncontrolled. Oui. Il dit qu'il ne précise même pas dans ses partitions de laisser ricocher l'archer ou quoi, mais au-delà de l'instant même de commencer le son, de permettre d'entrer une certaine non-volonté. But in this situation, it's telling you to articulate something very, very specifically, very controlled, and then... But the control is of the body, not of the mind. Or maybe we could say the control is of the action and not of the result. Yeah. Oh, yeah. Or right. Right. The point of attention is the attitude. The point of almost oh, oui. Attitude. L'intention peut-être. Ouais. Très particulière à ce qu'on fait, et le résultat. Par hasard. C'est par hasard. Mais c'est pas laisser uniquement de se promener dans la nature et écouter ce qui est donné. On peut faire ça, c'est intéressant. Mais c'est aussi de reconnaître que nous sommes des êtres humains et il faut faire quelque chose. Et quand on fait quelque chose, on laisse entrer cet même esprit, que c'est la conscience qui est plus importante. Parce que si on précise trop l'intention, ça minimise le résultat et la possibilité d'en prendre conscience. Conscience. Les choses jaunes qui sont agréables, les choses nouvelles qui changent facilement, les choses nouvelles qui se balancent, les choses cachées qui sont aiguës, les choses jaunes semblables très près les unes des autres, les choses dures qui prennent du temps, les vieilles choses qui se détachent difficilement, les choses dures à être vues d'un côté, les choses jaunes à être déroulées et piétinées, les choses cachées suspendues par un fil, vieilles choses nocturnes, vieilles choses facilement volatiles, les choses fragiles à être vues en transparence, les petites choses neuves attachées ensemble, les petites choses vues d'une certaine distance, les choses nouvelles qui sont suspendues, les choses mouillées qui touchent le mur, les choses molles qui respirent mieux à la campagne, les vieilles choses qui font bouger autre chose, les choses molles qui contiennent une autre chose, les choses mouillées, droites et dures et solides, les choses fragiles avec un noyau, les choses fragiles qui flottent, les choses jaunes à multiples usages, les petites choses qui murmurent, les choses cachées qui dépendent des changements de température, les vieilles choses qui sont uniques, les choses mouillées trop légères pour toucher le fond, les choses fragiles qui sont confortables dans une chaussure, les choses jaunes ordinairement enfermées, les choses rarement citées mais remarquables, les vieilles choses qui restent facilement dans la ligne, les choses mouillées venues directement du marché, les choses fragiles données comme cadeau, les choses mouillées qui résonnent au toucher, les choses mouillées trouvées au fond du tonneau, les choses jaunes qui brillent, les choses mouillées qui se tiennent debout et dans un lieu frais, les choses cachées qui roulent et trouvées vivantes derrière autre chose. Les choses mouillées qui sautent et trouvées vivantes derrière autre chose. Les choses vieilles qui se font aplatir et dans des lieux sombres et chauds. Les choses mouillées qui sentent et se passent facilement d'une main à l'autre. Les choses mouillées qui sentent et se passent facilement d'une main à l'autre. Malcolm Goldstein va exécuter une improvisation au violon solo qu'il appelle « Soundings », la musique, intrinsèque à la vie elle-même, à la nature des sons, tous les sons. Le toucher chez moi permet aux choses de vibrer, à la matière du corps de chanter, une surabondance de moi-même dans l'espace, le son comme matière première, les oreilles de la peau, l'inspiration de l'archer sur les cordes, le jeu du violon. Les retentissements dans l'espace du crâne se métamorphosent en paysages incessants, jusqu'à même espérer une musique nouvelle. Thank you. The improvisations are something that I do of the moment. C'est quelque chose qui est fait sur le champ, le moment. It's the way I feel at that time. There's nothing pre-prepared. Mais il part d'un thème au départ ou pas? Non, il n'y a rien qui est donné en avant. Ça part à d'un sentiment. And we had mentioned about the Frog Pond piece, that there in the Frog Pond piece there are specific ways indicated, a sort of a vocabulary of material, which are set, And there are moments with graphic notation to be improvised, but those are set also. The framework of improvisation is set. Oui, la différence entre l'improvisation pure et ce qu'il fait dans ses compositions, mm-hmm. comme Étang et Grenouille, est qu'il existe une espèce de vocabulaire sonore. Une partie de laquelle sont des esquisses graphiques pour provoquer une improvisation là-dessus. Mais étant donné que ça reste toujours un signe graphique, ce n'est pas exactement la même donnée que l'improvisation qui fait pur. Mm-hmm. And this kind of improvisation, very often while I play, I find things. I find things through my feeling and through the sounding. And it goes wherever it will go, and it just goes freely. I don't know what I'm. If I think, it's no good. If I just play, it's right. Il trouve des choses à travers de l'improvisation même, et le moins qu'il pense, qu'il y réfléchit, le meilleur que soit le résultat. Well, I've been doing these improvisations for about 20 years or so. Pendant 20 ans, il fait ça. And in the beginning, for many, many years, I was against recording them. I wanted them to disappear. Mais c'était son intention que ça disparaisse. Oui, c'est ça, c'est une œuvre invisible. Une œuvre. I've played very often in the woods for the birds. And by myself. Je suis dans les bois pour les oiseaux. And the birds, they sang their song and I sang my song. And it became invisible, as you say. ce côté éphémère a d'ailleurs quelque chose d'infiniment poétique, finalement. Parce que c'est un éphémère. Well, I'd like that, yes. Touche un peu à l'éternel, quelque part. Oui. Mm-hmm. Actually, I mean, a lot of this grows out of traditional violin technique. That is, the plucking or the hitting. This is traditional too, yeah, but not there. Yeah. And so it's extensions to use the violin in any way that. C'est une exploitation maximum de la caisse du violon, en fait. Oui, c'est pas du tout une chose comment dirais-je brute. Ou peut-être, il mène la tradition du violon, la culture vers l'état brut, peut-être. Mais ça part d'une donnée classique. Les choses mouillées qui se plient et qui n'ont aucune valeur. Les choses fragiles qui se plissent et trouvées vivantes derrière autre chose. Les vieilles choses qui tombent en arrière et dans un lieu frais. Les choses cachées qui tournent et qui n'ont aucune valeur. Les choses jaunes qui se tiennent assis et dans des lieux sombres et chauds. Les petites choses qui s'écoulent et dans un lieu frais. Les choses nouvelles qui montent et descendent et en plein air. Les choses nouvelles qui chaotent et se passent facilement d'une main à l'autre. Les choses jaunes qui sont agréables et en plein air. Les choses nouvelles qui changent et se passent facilement d'une main à l'autre. Les choses nouvelles qui se balancent et qui ont un numéro. Les choses cachées qui sont aiguës et dans un lieu frais. Les choses jaunes, semblables, très près, les unes des autres, et dans des lieux sombres et chauds. Les choses dures qui prennent beaucoup de temps et qui ont un numéro. Les choses vieilles qui se détachent difficilement et qui n'ont aucune valeur. Les choses dures trouvées vivantes derrière autre chose. Les choses dures à être vues d'un côté et en plein air. Les choses jaunes à être déroulées et piétinées qui ont un numéro. Les choses cachées qui sont suspendues par un fil qui se passent facilement d'une main à l'autre. Les vieilles choses nocturnes et dans des lieux sombres et chauds. Les choses cachées prises au rayon supérieur et qui n'ont aucune valeur. Les choses fragiles à être vues en transparence et qui ont un numéro. Les petites choses nouvelles attachées ensemble et dans un lieu sombre et chaud. Les petites choses qui sont suspendues et qui se passent facilement d'une main à l'autre. Les choses nouvelles qui touchent le mur et trouvées vivantes derrière autre chose. Les choses mouillées qui respirent mieux à la campagne et qui ont un numéro. Les vieilles choses qui font bouger autre chose et dans un lieu frais. Les choses dures qui peuvent être soulevées et trouvées vivantes derrière autre chose. les vieilles choses qui contiennent une autre chose et en plein air, les choses mouillées, droites et dures et solides et dans un lieu sombre, les choses fragiles avec un noyau et dans un lieu frais, les choses mouillées qui flottent et qui n'ont aucune valeur, les choses jaunes à multiples usages et qui n'ont aucune valeur, les petites choses qui murmurent et qui sont dans un lieu frais, les choses cachées qui dépendent des changements de température, les choses vieilles qui sont uniques et dans un lieu sombre, les choses mouillées trop légères pour toucher le fond, trouvées vivantes derrière autre chose, les choses jaunes ordinairement enfermées et qui ont un numéro, les choses rarement citées mais remarquables et dans un lieu frais, les choses venues directement du marché et en plein air, les choses données comme cadeaux et en plein air, les choses jaunes utilisées pour cérémonie et qui se passent facilement d'une main à l'autre, les choses dures qui brillent et dans un lieu frais. Une page de Metal Meditations qui est un constant absolument, qui va être réalisé sur trois cloches rondes qu'on... Ce sont des cloches tibétaines. Non, ça, non. C'est, la grande est de Corée. Oui. La moyenne, c'est du Japon. Et je crois que les deux petites aussi sont du Japon. Mais je les ai commandées. Dans la coréenne, j'ai apporté de Corée. Mais... Yeah. I was going to use this for a constant. That's not a constant. You asked me to do put the bean in the cup. No, it's a different piece. Oh, I'm sorry. Yeah, well, I thought that... We're now rearranging what we want to do. So what I was thinking was... Actually, I don't see why. Why not? It was constant, but that's not... It's a nice lead into this. Yeah. Disons que... On va aussi essayer de mélanger certaines choses. Et Malcolm et moi vont jouer constamment sur les deux cloches. Allison va commencer avec quelque chose qui a une parenté, mais qui est un peu différent. Et à ce moment, il faut dire que Metal Meditations m'a amené à une conception que j'appelle Elementals, qui est l'idée de prolonger indéfiniment la chose la plus... La vibration. La plus simple possible. Alors, dans ce sens, ce n'est plus nécessaire que ce constant soit de métal. Alors... pendant que Malcolm et moi jouons cette page de Metal Meditations, Allison va réaliser la même conception dans le sens plus large, avec un haricot dans un verre qu'elle va faire circuler dans la même façon. Après, elle va laisser tomber ça, et pendant que nous continuons ce son continu, ça va devenir une espèce de drone d'accompagnement pour ce qu'elle va faire de près, et peut-être c'est elle qui doit l'expliquer la suite de sa chose. Oui. J'ai ici un sac des herbes, et j'ouvrirai le sac et placer les choses sur la table. Et dans le sac, il y a aussi un poème, et il y a beaucoup de petites choses pour entendre et pour voir. Et j'essaie à décrire des choses pendant leur musique, vous savez. Et après tout, cette pièce est une sorte de chose visuelle et musicale. C'est une petite œuvre, un petit concert visuel et pour écouter. Et pour moi, c'est merveilleux si tu décrives le sac. Et puis... je continue avec les choses dans le sac et je lis le poème pour George Matunas ici. Philip, I don't want to come in at an improper time in terms of elementals. No. Bean, the seed of any various other erect or climbing leguminous plants. A valueless item. Un vaurien. Seul haricot. Un miroir pour voir le nez comme un haricot. Adelaide Bean. Wheat, 7-6, 6-6, 3-6. B.H. Bean. 8-5-0, 3-8-4-2. Beanbag Daycare Center 7-4-9-5-0-3-0 Bean Barrett and May Bean Sales and Service BA90494. Ben Bean, 787-4459. Betty Randolph Bean, 861-1107. Bruce Bean, lawyer, 483-9000. Bruce W. Bean, 470-0631. D.R. Bean, 734-7658. David Bean, A.C. 14. David Bean, 757-661. F. Bean, 691-6617. Fred L. Bean, 348-1541. Fred T. Bean, dentist, 564-7784. George A. Bean, 5471. Ginny Bean, 674-0535. Jacob Bean, RH40639. Jeremiah Bean, 580-9873. John Bean, 48106. John Bean, Division FM C Corps, 390160. Judith Bean, 666058. Jules Bean, 454446. Jules Bean, 478915. Con Bean Films International Incorporated, 680500. Kenneth Bean Investment Secretaries, H.A. 3887. L. Bean, 873-8473. Mrs. L. Bean, CI7-7064. M. Bean, 36385. M. A. Bean, 477-5079. M. S. Bean, 874-1431. Marcellus Bean, 690665. Mrs. Mildred Bean, 936861. Olivia Bean, UN4, 0447. Orson Bean School, 993305. Quincy Bean, 666-0673. Randy Bean, 595-584. Randy Bean, 595-247. V.S. Bean, 794-0378. W.R. Bean, 355-6473. Y. Bean, 93108. George Bean, 595-8044. J. Bean, 850-4910. Mrs. M. Bean, 343566. Philip Bean, attorney, 591-3364. Beanland Associates Incorporated, 678656. Gallery Partners, Wuppertal. Exposition of Music. Name John Peck. Name John Peck. Et c'est pour une nouvelle anthologie de la musique, 1963. Renouveler la forme ontologique de la musique. George Matsunas. Dans le concert normal, les sons bougent, le public est assis. Dans ma musique d'action, les sons, etc., bougent, le public est attaqué par moi. Dans la symphonie pour 20 chambres, les sons, etc., bougent, le public aussi. Dans ma musique pour tous numéro 1, 1961, les sons sont assis, le public leur rend visite. Dans la musique d'exposition, les sons sont assis, le public joue ou les attaque. Dans le théâtre du mouvement dans la rue, les sons bougent dans la rue, le public les rencontre ou les affronte par hasard, sans s'y attendre, dans la rue. Musique pour la longue route, sans public. Musique pour le grand espace, sans public. Sont plus platoniques. Alison Knowles, Bruno Materna. Musique pour haute tour, sans public et platonique. Alison Knowles est montée au sommet de la tour Eiffel, a coupé ses beaux cheveux longs dans le vent d'hiver. Personne ne l'a remarqué. Aucun programme n'a été imprimé, aucun journaliste n'était là. Pardon, Dick Higgins l'a vu, c'est l'inévitable démon, c'est son mari. Joseph Patkowski, Joseph Bird, la musique la plus platonique est que personne au monde n'a vu, Rose, excepté nous deux. Philippe Corner, pour parler précisément, seule cette œuvre peut être appelée happening. Si vous faites à l'avance la publicité, invitez les critiques, vendez des billets aux snobs et achetez plusieurs exemplaires de journaux ayant consacré leur colonne à ce sujet, alors ce n'est plus happening, ce n'est qu'un concert. C'est pourquoi je n'ai jamais utilisé ce saint mot happening pour mes concerts qui sont aussi snobs que ceux de Franz Liszt. Je suis seulement plus conscient ou moins hypocrite que mes amis anti-artistes. Je suis le même clown que Goethe, Frédéric et Beethoven. Panterecki, Salsius, Cori, Dorita Kemitsu, Arthur Köpke, Mieko Chemi. Mieko Chemi, événement pour le crépuscule, 1963. Tremper un piano dans l'eau d'un étang. New York. Jouer une pièce de Liszt sur ce piano. Septembre 66, Central Park. Sugi, Kubota, Charlotte Mormon, James Dean, Emmett William, Joseph Beuys, Fuori, Giuseppe Chiari. Musica macabro. Musica macchia. Musica macchina. Musica macero. Musica madia. Musica madido. Musica madre. Maestro. Et il faut choisir des amis, non? Musica ah, mes magia. Amis s'appellent, musica je ne sais maia. Pas, Varese, John musica Cage, mai. Ben Gauthier, musica malattia. Bussotti, musica ça c'est male. Une bande. Musica malinconia. Pas officielle, pas organisée, mais c'est musica une bande, c'est clair, mammella. Non? Mes amis s'appellent musica aussi mancare. Tous les musiciens jazz ou les musiques de films. Mandorla. Et il faut les dire aussi que... Mes amis musica ne sont pas... Mani. Musica mania. Ne sont pas Skostakovich, musica ne sont pas... Manichino. Non, non. Giuseppe Chiari, vous êtes artiste. Oui, je crois, je pense. Expliquez-vous. Qu'est-ce que je fais? Oui. Il faut seulement donner une description, non? Alors, je joue le piano... je joue la guitare, je joue les objets, j'écris mes partitions, je vais vendre mes partitions, mes manuscrits, j'écris des phrases, je vais signer des photos, et ça c'est seulement une description de mon métier. Et vous êtes musicien? Je suis musicien seulement parce que le syndicat des musiciens italiens il a accepté ma demande, alors je suis musicien. Mais s'il va refuser, alors je ne suis pas refusé. C'est ça. Cependant, nous ne pouvons pas dire maintenant ce qu'est la musique. Nous ne le savons pas maintenant. La musique, c'est jouer. La musique, c'est jouer. La musique, c'est jouer. La musique, c'est joué. Mais dans ce que vous faites, il y a des sons. Oui, très bien, il y a mais des sons, beaucoup de sons. Comment utilisez-vous les mêmes, c'est pareil, il y a toujours les sons. Je donne des coupes. Sur les pianos, je fais des choses avec un objet commun quotidien, non? On dit quotidien, j'espère. Non? Alors la chaise, l'escalier, tous les objets que vous voulez. Je fais un concert, j'arrive et je demande au public, je n'ai rien avec moi, vous avez quelque chose, vous pouvez me les donner, je vais les jouer. Il faut analyser l'objet, il faut analyser un peu la structure et c'est tout. Et alors, on peut jouer, on peut faire des expressions, on peut faire des rythmiques. Ça, c'est la musique facile. On peut jouer tout, comme les enfants, c'est clair, non? Mais il faut jouer comme les enfants. Musica manico. Musica manicomio. Musica manicordo. Musica maniera. Musica manifestare. Musica maniglia. Musica manipolare. Déplacement d'objets, d'une table sur un clavier. Imitation des sons, des rythmes, des objets. Traiter une pierre comme un instrument musical. Un magnétophone comme une pierre. Un piano comme une table ou un computer. Dans ce studio, par exemple, vous verriez un, ah, dans un ce objet studio, qu'on pourrait utiliser. Ah, dans ce studio, on peut jouer toute la vie. Dans ce, oui. Studio. Ce studio, c'est déjà un théâtre musical, ce studio, non? Vous avez fait des happenings aussi? Oui, on dit que mon concert, ce n'est pas des concerts, mais ce sont des happenings, non? Ce sont des actions, non? Mais qu'est-ce que c'est les happenings? C'est toutes les actions théâtrales que les théâtres officiels ou la musique officielle ou la littérature officielle ne veut pas, non? C'est tout ce qui existe en dehors du théâtre, alors? Ah, bon, c'est juste, c'est très juste, oui, oui. C'est un code de théâtre, mais qui existe dehors de théâtre. C'est encore toujours une analyse, une polémique sur les mots. La musique dans les rues est plus belle que la musique dans le théâtre. L'art n'est pas A, A, A, A, A, A, A, A. L'art est A, B, C, D, E, F, G, H, I. L'art n'existe pas. Une relation entre l'art et l'art existe. L'art existe. C'est une relation entre l'art et l'art. J'ai voulu faire une musique A, B, C, D, E, F, G, H, I. Variation. Varier sur la variation. Renoncer à l'idée d'échelle. Sans l'idée d'échelle, la musique retrouve sa violence. Musica manna. Musica mano. Musica manteca. Musica mantello. Musica mantice. Musica marchio. Musica marcio. Musica Margherita. Tous les années, tous les saisons, je fais une action particulière. Si vous voulez, on peut jouer les concerts, les gestes sur le piano, que c'est mon action plus connue, non? Mais c'est une action de 65-66. Après les 70, je fais toujours des débats, des leçons, on dit, des discussions. Pendant la discussion, souvent, le public, on dit, « Mais nous sommes ici pour écouter de la musique. » Vous avez dit Giuseppe Cari Concert, ça n'est pas une musique, c'est encore une fois une discussion politique. Alors, je dis, vous voulez écouter, si vous voulez écouter de la musique, on peut jouer le piano. Oui, vous devez jouer le piano. Alors on va et je joue le piano pour 10 minutes, 8 minutes. Et quand j'ai fini, je dis, au revoir. Je joue le piano et alors les problèmes sont encore ici, non? Il faut parler. Ça, c'est mon dernière pièce théâtrale, non? Alors, c'est une discussion. Je vais commencer toujours avec mon boutade. Je vous en prie, une demande. Vi prego, una domanda, non? Et il y a alors un silence. 3 minutes de silence. Alors, je appelle le public encore une fois. Je vous en prie, une demande. Une demande banal, stupide, intelligent, qu'est-ce que vous voulez, mais en demande. Alors, il y a toujours une personne et quelqu'un qui fait une demande. Commande est faite à plusieurs musiciens d'écrire une pièce pour orchestre symphonique. Le corps de l'orchestre devrait être composé de flûtes, de hautbois, un cor anglais, deux clarinettes, une basse clarinette, deux basses, quatre cors, deux trompettes, deux trombones, deux instruments à percussion, un célestat, des cloches, une harpe, un piano, des archets. Les instruments doivent être utilisés selon leurs fonctions. La composition, bien que n'excluant pas une recherche de nouveaux moyens, doit produire des résultats provoqués par un besoin authentique d'expression. choisissez l'œuvre qui semble le plus avoir déclenché ce besoin. Rassemblez un orchestre. Prenez date dans un grand théâtre, pour 9 heures chaque soir. Libérez le personnel, y compris le personnel de sécurité. Un permis spécial est nécessaire pour cela. Fermez les portes. Aucune affiche autour, devant le théâtre, annonçant le concert. Aucune forme de publicité n'a été disposée. Puis, dans le théâtre, complètement vide, la composition peut être jouée à la perfection pour personne. Je pense que je n'ai pas beaucoup de problèmes entre le rapport entre le public et l'artiste. Parce que je pense, c'est terrible, mais je pense que le rapport c'est entre l'artiste et l'artiste. C'est une attitude un peu narcissique. Ah oui, oui, je sais que vous dites quelque chose. De... Il faut le dire, le vrai combat, c'est de, à l'intérieur du champ de l'art, non? Parce que ce n'est pas vrai que le champ de l'art s'est uni. Il est très différent et le combat, c'est très violent. Le public, c'est dehors. Il peut faire un choix. Mais le vrai combat, c'est entre l'école artistique. À la limite, le public est inutile. Oui, le public, c'est inutile. Absolument inutile. Pour personne. Il n'existe pas dans l'art. Le but de l'artiste, ce n'est pas de servir, de servir le public. À l'intérieur de la chambre de l'art, il y a tant de visions idéologiques, philosophiques, traditionnelles, conservatoires, pas conservatoires, qui sont encore les mêmes divisions qu'il y a à l'intérieur du champ de la science ou de la politique ou de l'académie, de la philosophie. Et pour moi, peut-être que ce n'est pas vrai, mais pour moi, le vrai combat, c'est qu'une école va vaincre sur l'autre école, non? Musica materia. Musica medaglia. Musica meditare. Musica memoria, musica mendicare, musica meno, musica mentire, musica mentre, musica mercato. Appuyez l'oreille contre la clepsydre et écoutez le temps. 33 cm sur 33 cm, les dimensions de la feuille musicale. Allumer la lumière dans la pièce. Partir. Fermer la porte. Éteindre la lumière dans la nouvelle pièce. Et voir. La lumière. Filtrant. Sous la porte. Casser une pendule, puis faire bouger ses aiguilles avec la main et écouter le déclic. Toute musique est égale. Musica merda. Qu'est-ce que le public attend de vous? Le public attend... Qu'est-ce que je crois que le public attend? La réponse exacte, c'est je ne sais pas. Hein. Bah, on peut essayer de répondre quelque chose. Comment annoncez-vous cette manifestation? Très simplement, Giuseppe Chiari concerto, Giuseppe Chiari discussione, o Giuseppe Chiari sonata. Les titres, ce n'est pas choquant. Pas du tout. Et c'est fantastique que toutes les fois que je fais vraiment des musiques presque classiques, le public s'est désolé. Qu'est-ce que vous appelez musique classique? Bon, musique classique, c'est... Si je fais seulement des sons, musica non? Si je fais seulement des notes, non? On dit notes, non? Musica alors, si je messa. Fais des notes, alors le public musica dit c'est pas... Mestiere. Ce n'est pas juste, ce n'est pas loyal. Musica alors, le public musica connaît quelque metallo. Chose, non? Musica mettere. Musica miracolo. Musica miseria. Prenez les quatre ou cinq premières notes d'un chant très connu et jouez-les en appuyant sur les touches pendant 20-30 secondes. Puis, avec de longues pauses de 7, 12, 30 secondes, répétez la même note plusieurs fois avant de frapper la touche de la note suivante. Et maintenant, chantez avec fermeté et de façon continue. Le sens de la phrase mélodique ne devrait pas être perdu. En d'autres termes, le chant devrait être reconnaissable. Musica misericordia. Musica missione. Musica mitigare. Musica mormorare. Musica mortificare. Musica mosaico. Musica mota. Musica mussola. Je peux te jouer une composition Fluxus qui est très simple, que j'ai amené un journal, qui est de Kosugi, qui est une pièce musicale, celle-là. Elle prend un journal, tu vois, elle prend un journal qui est le monde, elle le met sur un micro. On prend le journal, on passe très très fort, on fait une boule sur le micro, et puis on lâche, et c'est le monde qui se défroisse. Avec le time, ça marche très bien. Avec les microphones, on peut faire des pièces très intéressantes, mais il y a un problème de la radio, non? Je suis très intéressé à la radio, mais je suis très intéressé dans le sens négatif, parce que la radio, c'est vraiment un problème pour moi, un problème central, on peut dire, non? Pour moi, la radio, c'est le noir, non? Et j'aime la radio et je n'aime pas la radio. C'est vraiment le contraste, non, entre la qu'est-ce qu'on peut dire, le spirit et la matière, non? Et l'esprit et la matière, on dit, non? Oui. Oui, très bien. Et ma musique, on dit toujours que c'est visuel, non? Que ce n'est pas vrai. C'est simplement des musiques, non? Simplement des musiques. Il y a des gestes. Lorsqu'il y a des gestes, dans Chopin aussi, il y a des gestes. Des gestes pas baroques, des gestes essentiels, non? Il y a des gestes toujours, non? Pour chanter, il faut ouvrir la bouche, non? Mais ce n'est pas nécessaire voir les gestes, mais ce n'est pas nécessaire ne voir pas les gestes, non? Et attention, quand tu écoutes la musique dans la radio, tu imagines toujours quelque chose. Alors, si tu as déjà vu les musiciens jouer Chopin, alors tu peux écouter Chopin de la radio parce que tu imagines qu'est-ce qu'il fait, non? Mais si tu n'as pas absolument vu tu ne peux pas absolument écouter. C'est très, très, très, très difficile. J'ai dit un jour qu'il faut écrire des musiques qui n'est pas possible par passer à la radio. Et il y a des personnes qui l'ont dit, tu as vaincu ta combat, tu as écrit des musiques qui n'est pas possible passer à la radio, parce que nous avons passé tes musiques à la radio et c'est vraiment rien absolu. Cioè, il faut faire des choses que le public va écouter, et j'ai dit, la machine, la radio, c'est cassé. Il y a quelque chose ici, parce qu'il n'y a rien, non? Il faut téléphoner à la radio et dire, qu'est-ce qu'il passe? C'est fini, la radio? Bah, c'est seulement un butade, hein? Mais je pense que c'est le problème central, non? Cioè, toute la radio vient d'hypothèses que le public peut imaginer, non? Peut imaginer tout seul, non? Bon, alors, il faut faire du silence, par exemple. Silence, c'est des radios magnifiques. Mais ce n'est pas possible. Il y a le bruit de fond, il y a une fréquence, une hauteur fondamentale, non? Ben, il faut écouter le thème fondamental. Peut-être les commencements. Georges Brecht, instruction. Ouvrez la radio. Dès que vous entendez un son, fermez-la. ACR, Radio Fluxus. J'ai souvent pensé, si j'étais à la radio, qu'est-ce que je leur ferais? Qu'est-ce que je pourrais leur faire? J'ai toujours pensé, j'aimerais faire des farces à la radio. On va faire une suite de bruit et on va demander aux auditeurs d'en faire. Alors, ça c'est un stylo à billes qui tombe. Et maintenant, on va demander à l'auditeur de ouvrir et de fermer une porte. Voilà. Maintenant, on va lui demander, est-ce que c'est de la musique? Après, on va déchirer une feuille de papier. Une pièce de kusugi. Tous les petits bruits imperceptibles sont le kusugi. Maintenant, on va demander à l'auditeur d'écouter les petits bruits, s'il y en a, ou à la radio, puisqu'il entendra le ronflement, ou carrément dans la rue, ou par la fenêtre, ou dans la campagne, où il se trouve. Alors, on va faire ça 15 secondes. Voilà, maintenant on peut ajouter la réflexion, parce que j'aime toujours la réflexion à côté. C'est, est-ce que les petits bruits que vous avez entendus valent un concert de Beethoven ou pas? Ou est-ce que la phrase de Cage, qu'un bruit de Vélosolex ou un concert de Mozart, c'est tous les deux la même chose, la musique? Maintenant on va faire une pièce de Kusugi aussi que j'aime beaucoup, c'est juste l'haleine. J'ai mauvaise haleine. Vous allez sentir la radio pour savoir si vous sentez mon odeur. Voilà. Fermez un livre. Tu vois, là, je tombe quand même dans l'astuce. C'est une suite d'astuces. Et pourtant, ce qu'il aurait fallu faire, c'est quand même la vie. C'est le message, la vie est art. J'aurais voulu faire passer la pensée est art. Un état d'esprit. Un état d'esprit zen. Un état d'esprit de... Tu reviens à Cage. Je reviens à Cage. Et oui, moi j'aime bien les anecdotes. Je vais en inventer une. Il y avait un monsieur qui écoutait la radio. Et puis, à un moment donné, il a décidé de fermer le poste. Et il a fermé. Nem John Peck, à Amsterdam, dans un canal ou une petite rivière, connectait un fil à une radio transistor émettant du chant, enfoncé dans l'eau très doucement. Posez une radiotransistor en marche dans une cuvette en plastique, laissez-la flotter au milieu du canal pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits. Oh, on peut dire ces choses à la radio. Alors, c'est toujours un... Attention, vous écoutez la radio, mais c'est seulement une illusion. Ce n'est pas les noirs. Vous avez les blancs, vous avez les rouges, vous avez les verts autour de vous. Il faut regarder quelque chose. Mais c'est clair, quand tu écoutes la radio, tu regardes quelque chose, non? Quand tu écoutes Beethoven à la radio et tu es dans les trains, tu regardes la campagne, tu regardes les verts et tu penses qu'il y a des hommes, des fantômes qui vont jouer Beethoven derrière les arbres, non? Quelque chose de similaire. Mais ce n'est pas vrai que tu écoutes Beethoven spécifique seulement radiophonique. Alors on peut dire que la radio n'existe pas, parce que ce n'est pas possible qu'il va exister. La radio comme idée, non? D'écouter absolu, non? Écoute absolue, pure, non? Je pense que la radio, c'est encore une hypothèse de purezza, comme on dit purezza? Puriste. Puriste, quelque chose de purisme. Un zéro, non? Un zéro. Sans voir. Un limite. Moi, je trouve que le poste radio, c'est comme une télévision. Il suffit de le regarder, c'est une télévision avec une image fixe. Non, là, j'essaie d'être original à tout prix. J'ai dit un jour à De Wild, il m'avait dit, je vais vous exposer au Stedelijk, mais il y a un problème de place, je ne peux pas vous donner beaucoup de place, je vous donner ces salles-là. J'ai dit, même si vous mettez au WC, je ferai quelque chose. Et c'était sérieux. Mon machin m'a dit, il ne faut pas dire des phrases comme ça, il risque de mettre au WC. Non, je trouve que dans les circonstances qu'on me donne, on fait de ce qu'on mieux. Et actuellement, les circonstances de la communication sont moi, la radio et l'auditeur, où qu'il soit. Je suis sûr qu'impossible n'est pas français. À ce moment-ci, je peux, et je suis responsable, c'est pour ça d'où viennent mes angoisses encore, je me sens responsable de l'auditeur. Je me sens responsable que je pourrais dire 3-4 mots ici qui peuvent le changer. Hein? Qui sait, il faut que je les trouve dans les 5 minutes qui suivent. Je parle français, quoi. Je pourrais faire une révolution si je savais dire les 4-5 mots qu'il fallait. Et pourquoi les dire, hein? Tu te rends compte, si Jésus-Christ, il avait eu la radio, il l'avait eu, mais il a dit à 5-6 personnes, ça marchait. Hein? Et en ce moment, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais que parler de Cage et de Duchamp. Et ça, ils auraient pu le trouver chez Cage et Duchamp. Donc, il faut que je fasse du Ben. Il faut que je trouve quelque chose à moi. Et du Ben, c'est ne pas faire du Ben. C'est difficile. Tu comprends? Alors, il faut que je pressure la vérité jusqu'à ce qu'il y ait une goutte qui tombe. Et une goutte qui soit de la dynamite. Parce que je pense que le nouveau ne peut pas être caché. La vérité ne peut pas être cachée. Il y a quelque chose que, quand elle apparaît, ça se transmet d'une façon ou d'une autre. Ça se triche, on change les noms, tout ça, on transmet. Mais pour le moment, je suis incapable de faire quelque chose parce que je suis toujours emprisonné par ce désir de faire quelque chose pour me faire voir par l'auditeur. Voilà, pour me faire voir, pour me faire connaître. Si je pouvais enlever cela. Et si je l'enlevais, je l'enlèverais par la démagogie. Si je disais, écoutez, je ne suis pas intéressé par moi, je suis intéressé par vous, faire quelque chose vous-même, là, ce serait faux. En fin de compte, je m'en fous de vous, complètement. Ils peuvent aller tous faire foutre. Mais en fin de compte, ça m'embête. Nam June Paik, suite pour Radio Transistor 1963. Allemande. Le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven est fini. Le chef essuie la sueur sur son front. Le corps enlève la salive de son instrument. Le public, profondément impressionné, murmure, frémit. Puis, maintenant, le chef frappe de sa baguette et tout l'orchestre est sur le point de jouer. Juste à ce moment, faites jouer une radio transistor, pas très fort, de votre place, et arrêtez-la après un instant. Si vous n'êtes pas assez courageux, s'il vous plaît, utilisez une télécommande radio pour déclencher l'appareil. Courante. Une brillante nuit de pleine lune en automne, faites une promenade avec un transistor jouant du Jean-Sébastien Bach. Sarabande. J'aime beaucoup la distorsion provenant de la radio transistor bon marché d'un adolescent. George Matsunas. George Matsunas. 12 compositions pour piano pour Nam June Paik, 1962. Composition numéro 1. Les garçons d'orchestre portent le piano sur la scène. Composition numéro 2, accorder le piano. Composition numéro 3, peigner le piano avec des modèles peints orange. Composition numéro 4, à l'aide d'un bâton rectiligne placé sur toute la longueur du clavier, faites résonner toutes les touches ensemble. Composition numéro 5, placer un chien ou un chat, ou les deux, à l'intérieur du piano et jouer du Chopin. Composition numéro 6. Tendez les trois plus hautes cordes sur l'accordoire jusqu'à ce qu'elles cassent. Composition numéro 7. Placez un piano au-dessus d'un autre. L'un d'eux peut être plus petit. Composition numéro 8. Placez un piano à l'envers et mettez un vase avec des fleurs sur le meuble. Composition numéro 9. Faites un dessin du piano de manière à ce que le public puisse voir ce dessin. Composition numéro 10. Écrivez la composition pour piano numéro 10 et montrez la partition au public. Composition numéro 11. Lessivez le piano, cirez-le et faites-le bien briller. Composition numéro 12. Les garçons d'orchestre enlèvent le piano de la scène. 21 novembre 1964, Madrid, avenue des Cas de Seneca, Zay, concerto de théâtre musical, Juan Hidalgo, Walter Marchetti, piano, musique, tout, Erantus, mandala, variaciones, interim utopicam. La musique, cette vague odeur de cadavre qui nous plonge dans l'extase. Voile de Maya, essence et, ou non-essence, de la musique. Il est inutile de chercher un terrain solide sur lequel se placer. La liquidation de la situation présente est la réalisation de la musique. La musique, composition, organisation, et le métier, travail, ne se prive pas de donner un sens à ce qui n'en a pas. Il ne s'agit plus de recommencer, mais de commencer. J'aime... Toute musique ne peut être que la célébration de quelque chose qui s'est déjà passé. J'aime... Une musique qui touche le fond de la misère esthétique. J'aime... Les sons de ces musiques sont placés les uns à côté des autres, mais les trois morceaux n'ont pas été organisés, composés. J'aime... Le démontage ou le montage des systèmes ou du système n'est pas un acte musical formel. J'aimerais... Une musique sans début, ni développement, ni fin. J'aimerais... Oui, aujourd'hui, on peut vraiment tout faire, sauf ce que nous devrions faire vraiment. J'affirme que ce que nous devons faire dépend entièrement de nous-mêmes et non pas... Où tout son ne s'enchaîne logiquement, ou non, à aucun autre son. Toute règle est coercitive et vexatoire. Plus l'on écoute et moins on vit. Là où il y a définition, il y a séparation. La musique usurpe le temps d'autrui et notre oreille ne fait qu'en entendre le son qui nous rend esclaves. La musique dit, sans pouvoir dire, ce qui est inscrit dans les notes sans avoir été écrit. Il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une véritable fin. J'aimerais jouer avec la paix sépulcrale de la musique. J'aimerais jouer avec un... Pousser la pensée jusqu'à la fin. J'aimerais jouer avec un... Si... On se met à écouter, on n'écoute rien. J'aimerais jouer avec un pi. Des nuages gris encombrent l'horizon et la brume nous aveugle. J'aimerais jouer avec un pierre. Et contre la musique, on devrait dire ce que l'on ne peut pas dire. J'aimerais jouer avec un piano. À gauche, tout vert. À droite aussi. J'aimerais jouer avec un piano. Un joyeux et bruyant cœur de... J'aimerais jouer avec un piano. Dans ce disque, il n'y a rien de certain. Tout est provisoire et précaire. Il y a peut-être du gaspillage, trop ou pas assez. J'aimerais jouer avec un piano. Ces musiques n'ont sûrement pas le but de célébrer ce monde de merde qui ne peut absolument pas espérer de trouver grâce. J'aimerais jouer avec un piano qui... Le salaire et la monnaie clouent les yeux et les oreilles. J'aimerais jouer avec un piano qui... Je touche ce qui me manque. J'aimerais jouer avec un piano qui... Et que faut-il encore pour que ce ne soit que de la musique? J'aimerais jouer avec un piano qui... Un de ces jours, ça devra bien arriver. J'aimerais jouer avec un piano qui... Mais nous sommes obligés de répéter ce que nous ne pouvons pas nous rappeler. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait... Pour s'opposer à l'ordre existant, il est sage de provoquer le chaos dès que l'occasion se présente. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait un... Il y a une forte odeur de merde dans l'air. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait un... On la sent comme réelle, mais par contre, elle l'est. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une... Il ne s'agit pas d'une provocation, mais d'une véritable déclaration de guerre. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une... Un son dessous, un son dessus. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une... La version individualiste pour la musique se nourrit de la musique même. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une... L'anarchie pure, répandue dans le monde. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une Nous connaissons la tâche depuis longtemps. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une La musique, débris de toutes les idées, est la boîte de fond d'un incendie qui n'a pas encore éclairé le monde. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse... Le but est celui d'en finir avec ce monde tel qu'il est. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse... La musique n'est pas une arche sur laquelle on pourrait... Échapper au déluge. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une brusque... La distance est grande. Une réalité qui tend à l'anéantissement, voir, sentir, vivre. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une brusque... La possibilité de... J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une brusque... Un souci constant, barrer le chemin à l'expression du moi. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une brusque... Au-dessous, toujours bleu. Au-dessous, aussi bleu. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. La variété ne consiste pas seulement en la diversité des choses. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Les doigts sur le clavier trahissent des pensées obsédantes. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. L'idée musicale traîne la chaîne à laquelle elle est liée. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Le son occupe l'espace musical sans pourtant l'occuper entièrement. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. La musique n'a d'autre sens que ce qu'elle ne dit pas. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Les musiciens, des clowns à sonnettes, grelots, petits musiciens corporatifs, bureaucrates de l'imagination. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Ceux qui écoutent ce disque sont priés de faire comme si la musique n'existait pas. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Cette musique voudrait être comme une pensée qui cherche à se traîner hors de la tête, hébétée par les sons. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Mais je ne veux surtout pas opposer mes idées à d'autres idées. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Je n'ai rien à expliquer parce que je n'ai rien à prouver et personne à convaincre. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. J'avoue le vide. J'accepte l'échec. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. et à tous ceux qui veulent s'asseoir dans la tête des autres, un baiser sur la bouche et un coup de poignard au cœur. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Grosse queue. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Fluxus & Co. Musique par René Farabet. Ben Vautier. Propos. Alison Knowles. Notes sur la nature. Bean's Variations. Une fantaisie d'un livre des choses. Philip Corner. Metal Meditation. Malcolm Goldstein. Soundings. Giuseppe Chiari. Musica madre. Walter Marchetti. J'aimerais jouer avec un piano qui aurait une grosse queue. Per pianoforte a 40 mani. George Brecht, Corner, Higgins, Kozuki, Machunas, Nam June Paik, Xiaomi. Michel Camus, Giovanna Minelli, Daniel Berliot, Jean Bollery. Monique Burguière, Michel Créis, Jean-Pierre Collard, Marie-Ange Garandeau, Marcel Grenier, Yvette Tuchban, Viviane Vandenbroek. Fluxus & Co. Musique. Cette émission a été diffusée la première fois le 22 février 1981 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Clair obscur, je n'aime rien tant que l'infélu qui les a de le mur de sa résistance. Sombre et pâle, fragile et pur comme un cristal, transparent, idéal. Quand j'y pense et je me tiens ni trop près ni trop loin, passager clandestin d'un rêve incertain. Je sais qu'il ne va pas vraiment bien. Je n'attends rien. Je lui tends juste la main. Il a fermé à double tour pour pas souffrir. Sans frapper.